s'entretue en Palestine. On s'entretue en Côte d'Ivoire. On parle plus de Saddam et Ben. Y'a plus que Bush à la télé. Et toutes ces histoires de tuer à force de s'entretuer. Un petit garçon est mort hier à la suite de coups de fusil que son copain lui a fourni. Un autre est passé sous les rails pour sauver le monde des déchets du nucléaire. Un autre va bientôt se suicider. Il en a marre de la télé, à voir tous ces cons qui s'entretuent. Mais lui, ça lui fout la mort au cul. Quand on sera tous entretués, on parlera plus de tous ces bébés, de ces racistes, de ces bougnoules, de tous ces putains de fachos qui se croient malins, qui sont idiots. Entends-tu une femme qui a tué une autre femme pour se faire du bien, comme tous ces mecs qui se tapent une queue de l'ombre. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Où est-ce que je vais? Je n'en sais rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Un jour, je me réveillerai. Tout sera détruit, je serai crevé. On nous a discipliné. Il est beau, sacré, on l'a.